Yo, je suis arrivé dans le rap. Yo, je suis arrivé dans le rap. Je suis arrivé. Je suis arrivé. Je suis arrivé dans le rap, sans un vide, sans un beat. J'ai un si, sans un clip, sans un titre. Frérot, ça change un type. Sans groupe, puis sans crew. J'y arriverai, sans doute, mais sans vous. Donc vous, on s'en fout. Sans blague et sans clash, man. Surtout sans brasse et sans cash, sans liasse, man. Pourquoi sans cash et sans braque et sans bave et où? Mandy sans balle, ils ont le pavon, sans bas, man. Qui touche en bas, sans peine, sans haine, même si les années s'enchaînent. Sans flemme, même si j'ai fait les textes par centaines, sans stress, sans caisse, sans sexe, sans Lexus, sans sus. Sans me stresser, sans lexique, sans mes faf. Sans taf, mais on s'en tape, man. Sans ne pas y pris des patates, man. Mais sans nos cartes, sans drame, sans larmes, sans âme, sans blague. J'rappe pour mes semblables, tu me sens, man. J'suis arrivé sans clip, sans DJ, sans date, sans clic, sans stresser. J'm'en tape sans fric, sans becté, sans blague. Sans qu'on me dise, nac, tu t'en bats. J'suis arrivé sans clip, sans DJ, sans date, sans clic, sans stresser. J'm'en tape sans fric, sans becté, sans blague. Je suis arrivé sans qu'on m'attende en combattant et en combattant sans demander quand je percerai et en combien de temps sans lâcher mes gens, c'est mes frères, je peux rien faire sans car pour eux ça sent le roussi sans qu'ils aient un accent, sans quitter la zone, sans kiffer la tôle, sans pitié on a griffé la gaule, sans quitter la pole position, sans lâcher, pas tant de s'enlacer, respecter comme c'est la scie, aïe, ambiance électrique, sans la chaise, sans me vanter, sans me vendre, sans gloquer, sans sangloter, crâne rasé, pas de sol glossant, qu'on s'entende, change, nique ma vie sans qu'est-ce. Soit qu'on s'entende, je m'en sortirai qu'en chantant. Sans viser le bas, sans liser, je te disais que je visais le pavé. Un appart aux Champs-Élysées. Surtout crois pas que dans le rap j'espère plus. Avant de fermer le cercueil, assure-toi que je respire plus. Je respire plus. J'suis arrivé sans clip, sans DJ, sans date, sans clic, sans stresser. J'm'en tape sans fric, sans becté, sans blague. Sans qu'on me dise, nac, tu t'en bats. J'suis arrivé sans clip, sans DJ, sans date, sans clic, sans stresser. J'm'en tape sans fric, sans becté, sans blague.